الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Il existe des dates marquantes dans l'histoire de l'humanité. Des dates bien connues telles que celles des guerres mondiales, des révolutions et des grandes inventions, etc. Mais qu'en est-il de l'esprit de la justice et de vérité? Est-ce qu'on connaît une date dans l'histoire de la Oumma musulmane où l'on devrait le célébrer? Oui, ce fut à l'époque des Tabi'in. Tabi'in, c'est-à-dire la génération après celle des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoique son héros fut pourtant un compagnon, ce jour-là eut son empreinte sur tous les Tabi'in. Ce jour, c'est le jour où tomba en martyr Al-Hussein, le jour de la bataille de Karbala. Ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulut jour d'affrontement entre le juste et le vrai d'un côté, et le pragmatisme et l'esprit du profit démuni de l'ombre de toute justice de l'autre côté. Celui qui incarnait cet esprit de justice trouva la mort ce jour-là. Mais c'était pour éterniser ce qu'il incarnait. Il s'agit bien évidemment d'Al-Hussein, Ibn Ali, Ibn Abi Talib, radiallahu anhu. C'est-à-dire le petit-fils du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui eut affronté avec 72 de ses partisans à peine une armée de 4000 hommes, 4000 combattants. Le 10 de Muharram 61 de l'Hégire marqua l'histoire d'un jour inoubliable, un jour qui secoua la Oumma et dont les effets se font ressentir jusqu'à nos jours. Et là, je me permets de vous poser la question suivante. Quelle est la place qu'occupe la justice? Quelle est la place qu'occupe l'amour de la justice et de la vérité dans votre vie? Est-ce que vous avez jamais usurpé le droit d'une personne, une femme, un enfant, un orphelin? Quelqu'un a-t-il perdu un jour sa liberté à cause de vous? De quel côté êtes-vous? Êtes-vous intransigeant dès qu'il s'agit de la justice? Commençons par le commencement. Al-Hussein grandit dans une famille qui vénérait la justice et le vrai. Sa mère Fatima bintou Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son grand-père est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sa grand-mère est Khadija. Son père est Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et son autre grand-père est Abu Talib, qui mourut. Il est vrai non musulman, mais qui apporta son appui au prophète Mohammed, alayhi salatu wasalam. Ainsi, l'esprit de justice et de vérité lui coulait dans les veines. Alors qu'il n'avait que 5 ans, il entendit de sa mère demander à son grand-père de lui payer un servant, un esclave. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: non, Fatima, les musulmans pauvres ont la priorité. Lorsqu'il a atteint 10 ans, son père lui raconte que Quraysh alla voir son grand-père Abu Talib pour lui demander de leur livrer son neveu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui répondit à son oncle, essayant de le dissuader de sa mission: je vous jure par Allah, mon oncle, que s'il me propose le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. C'est ainsi que l'amour du juste et du vrai devint partie intégrante d'Al-Hussein. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de toi, ô mon frère qui m'écoute? Qu'en est-il de toi, ô ma sœur? Où en êtes-vous du respect de ces notions? Avez-vous jamais usurpé un droit? Posons-nous la question. Interrogeons-nous, faisons le bilan. Il est vrai qu'Al-Hussein fut élevé selon des principes rigoureux, mais il grandit également dans l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hassan et Al-Hussein sont les maîtres de la jeunesse du paradis, dit le prophète alayhi salatu wa sallam, tenant les mains de ses petits-fils. Ou encore il dit, ils sont ma source de bonheur et mon lot de ce bas monde. Parlant d'Al-Hassan, qu'il chérissait autant que son frère, il dit, mon fils sera un Sayyid, un maître, et Allah lui fera la paix, et Allah par lui, pardon, fera la paix entre deux grandes parties des musulmans. Le prophète alayhi salatu wasalam mourut. Fatima également, Abu Bakr, Omar, Othman se succédèrent comme calife. Les deux frères sont à présent de jeunes hommes. Les Omeyyades, Muawiyah à leur tête, voulaient s'emparer du règne. Nommer de son vivant son fils Yazid comme successeur et instaurer ainsi un califat héréditaire. Je rappelle que Muawiyah est un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le fils de Abu Sufyan. Abu Sufyan qui était le chef de Quraysh et qui avait combattu les musulmans pendant tant de temps jusqu'à la conquête de la Mecque. Puis, après cela, il s'était converti à l'islam. Et son fils Muawiyah allait devenir calife après Ali radiallahu anhu. Et ce Muawiyah cherchait à nommer de son vivant son fils, comme je viens de dire, en tant que successeur. Or, le poste de calife n'était pas un poste qui devait se léguer. Et Ali radiallahu anhu refuse. Ne croyons pas que la bataille de Karbala et le martyr de Hussein étaient un début. Ce n'était que le dernier chapitre d'une lutte qui en comptait quatre. Le premier fut lorsque Abu Sufyan, père de Muawiyah, vit le prophète alayhi salatu wasalam le jour du Fath, faire son entrée à la Mecque à la tête de 1000 combattants. Le pouvoir de ton neveu est devenu bien impressionnant, dit alors Al-Abbas, qui lui répondit, tu parles d'un prophète et non pas d'un roi. Succession au prophète sallallahu alayhi wa sallam ou règne de roi. Ce fut là la clé de l'affaire. Abu Sufyan se convertit par la suite à l'islam, ainsi que son fils Muawiyah. Les jours passent, Ali devient calife. Là, Muawiyah voulut s'emparer du califat pour le léguer aux Omeyyades, ou les Beni Omeyyah, assurant ainsi le pouvoir de la dynastie Omeyyade. Deuxième chapitre de la lutte. Ali refuse que Muawiyah fasse du califat un poste à léguer à sa descendance, chose qui ne pourrait que nuire à la nation musulmane. Il partit alors à la rencontre de Muawiyah à Koufa, accompagné de ses deux fils. En route, il passe par une certaine plaine. En demandant le nom, on lui répond Karbala. Il descendit alors de son cheval, fit quelques pas et murmura, viendra-t-il un jour où leur sang coulera ici? Pourquoi dit-il ça? Personne ne le sait. Est-ce par transparence d'âme? Est-ce par perspicacité de caractère? On lui demande alors de qui est-ce qu'il parle. Il ne répond pas et reprend sa route. Lorsque le différent prend de grandes proportions, Ali demande une nouvelle leçon. Ali donne une nouvelle leçon à ses fils. Certains qui lui avaient conseillé de prétendre que le prophète alayhi salatu wasalam leur avait accordé un certain privilège en tant que Ahlul Bayt, en tant que les gens de sa famille, de sa maison, ou qui leur avait confié une certaine mission, on voulait l'amener à attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'a pas dit, pour mettre un terme rapidement à cette lutte et enfin vaincre les Omeyyades. Ali radiallahu anhu leur dit alors, non par Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a fait d'autres recommandations que celles citées dans le Coran et la Sunna. Tu dis vrai, père, commenta Al-Hussein. Combien de gens tordent le cou à la vérité et interprètent à leur guise les versets du Coran, simplement dans le but de réaliser des profits personnels. Quant à Ali, il refuse, et ne tarde pas à se faire tuer à Koufa. Al-Hassan et Al-Hussein rentrent à Médine. Les musulmans commencèrent à prêter allégeance à Al-Hassan. Là, la Syrie, qui était gouvernée par Muawiyah, refuse et commence à préparer une armée à cette intention-là. Al-Hassan annonce alors être prêt à céder le règne à Muawiya, à condition de ne pas le léguer à son fils Yazid, à sa mort. Il reviendrait donc aux musulmans de choisir eux-mêmes leur calife après la mort de Muawiya. Alors Muawiya accepte. Comment lui céder le califat après le martyr de ton père? Al-Hussein objecta en ces termes-là, en colère. Comment est-ce que tu peux lui céder le martyr alors qu'il fait partie de ceux qui ont tué ton père? Il est la cause de cela. Al-Hassan lui répondit, dans ce différend entre Muawiya et moi, il se peut que ce soit lui qui ait raison. Je lui ai donc cédé le califat. Ou bien c'est moi qui ai raison, alors je l'ai cédé pour l'amour d'Allah, pour empêcher que le sang des musulmans ne coule. Subhanallah, méditez. N'y a-t-il pas une leçon encore aujourd'hui? Il n'y a pas quelque chose qui résonne dans ça à notre époque. Entre ceux qui prétendent être dans la vérité, entre ceux qui prétendent vouloir un retour d'un soi-disant califat sur la voie prophétique, mais, subhanallah, qui prétendent vouloir réunir les musulmans, mais subhanallah, qui refusent de s'unir derrière un seul et même chef et gouvernant. Subhanallah. Ces gens-là, normalement, en méditant sur cette parole d'Al Hassan, même s'ils étaient dans le vrai, normalement pour l'amour d'Allah, ils devraient, subhanallah, accepter et mettre de côté leurs ambitions personnelles. Il ajouta, Al Hassan, si je meurs, enterre-moi à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à moins que Muawiya ne t'en empêche, alors enterre-moi dans Al-Baqiyah, sans problème. Al-Baqiyah, c'est la tombe, le cimetière à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, Al-Hassan mourut subitement. Muawiya s'oppose à son enterrement où il devait être enterré. Alors Al-Hussein faillit lui livrer un combat, mais se rappela les derniers souhaits de son frère Al-Hassan. À la mort d'Al-Hassan, Muawiya brise l'accord conclu avec le défunt et il désigne son fils comme successeur. On lui rappelle donc l'accord en question. Il répond qu'Al-Hassan est déjà mort. Là, Al-Hussein ne peut se résigner plus longtemps et refuse catégoriquement de prêter allégeance au fils de Muawiya, Yazid. Puis se réfugie à la Mecque avec sa famille. Après la mort de Muawiya, Yazid lui succède donc sans l'accord des compagnons. Al-Hussein décide alors de l'affronter. Non pas parce qu'il voulait être lui le calife, ni qu'il avait l'intention de lui livrer combat, mais parce qu'il sentait de son devoir, de par sa foi en la justice, de dire non à l'injustice et à la tyrannie. Al-Hussein décide donc de quitter la Mecque pour Koufa, mais il envoie d'abord un éclaireur, son cousin Muslim ibn Aqil. Les habitants de Koufa lui prêtent allégeance et invitent Al-Hussein à les rejoindre. À son départ, beaucoup de compagnons essayèrent de le dissuader. Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avertit en lui disant « Ne pars pas, Hussein. S'ils t'invitent à les rejoindre, ils avaient déjà invité ton père. Pars plutôt au Yémen ou reste à la Mecque. » Al-Hussein lui répond « Je sais que tu veux mon bien. Mais qui dirait non à l'injustice si je reste? Je n'ai point l'intention de semer la discorde entre les musulmans. Mais je ne me tairai pas, même si je me sais condamné à mort. » Ibn Omar, radiallahu anhu, lui conseille « Laisse-leur l'ici-bas, ton grand-père ne l'aurait jamais choisi. Et à qui laisser le soin de défendre la justice et la vérité » reçut-il comme réponse de la part d'Al-Hussein. Ils s'étreignirent alors et Ibn Omar lui dit « Je te laisse entre les mains d'Allah, toi le tuer. » Az-Zubayr, radiallahu anhu, fit de même. Il lui dit « Si tu sors, tu es mort. » Et Al-Hussein de lui répondre « Je mourrai un jour ou l'autre, c'est sûr. Mais la vérité doit toujours rester vivante. » Al-Hussein n'était donc pas dupe. Il devinait ce qu'il attendait et non qu'il avait mal calculé ses pas ou que les habitants de Koufa l'avaient trahi comme certains se plaisent à dire. Avant son départ et alors qu'il faisait le tour de la Kaaba, Umm Salama, radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aperçut et se mit à pleurer. Al-Hussein lui demanda alors les raisons de ses pleurs, de ses larmes. Elle répondit « Je te vois déjà mort. J'ai alors une pensée pour ta mère. Combien elle vous chérissait. combien elle vous aimait. Alors je n'ai pu retenir mes larmes. Ô mère des croyants, rappelle-toi de ma grand-mère Khadija, lorsqu'elle rassura le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrant tout tremblant et demandant être enveloppée de vêtements. Je jure par Allah, je jure par Allah qu'il ne t'abandonnera jamais. Et moi aussi, je te le répète aujourd'hui, Allah ne m'abandonnera point. Et même si je meurs, je serai vainqueur, car je défends la justice et la vérité. Voilà ce que lui dit Hussein. Et lorsque Yazid a entendu de Ani, a été au courant de la sortie de Hussein de la Mecque, il envoya l'un de ses plus cruels partisans, nommé Ibn Ziyad. Il lui fit de belles promesses. Et lui intima l'ordre de réprimer l'agitation des habitants de Koufa et d'empêcher Al-Hussein d'y accéder, en le tuant si nécessaire. Subhanallah, quelle audace d'avoir comme souhait et ambition de tuer le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prunelle de ses yeux. Sur le chemin de Koufa, Al-Hussein reçut la nouvelle de l'assassinat de son cousin. Mais il était déterminé à aller de l'avant. Peu après, il rencontre Farazdaq, un poète, lui demande des nouvelles de Koufa. Il demande donc à ce poète-là des nouvelles de Koufa, qui lui répond « Oh Hussein, leurs cœurs sont avec toi, mais leurs épées sont sorties de leur fourreau », lui répond-il. « C'est à Allah que je demande aide et secours, et à lui que tout se ramène », se résigna donc Al-Hussein. Avec l'approche d'Al-Hussein, Ibn Ziyad voulut s'assurer donc de la loyauté des habitants de Koufa. Il demande alors à Qais ibn Zuhayr, un autre poète et orateur qui était connu à Koufa. Il lui demande de se tenir au plus haut de son palais et de prononcer un discours visant à dresser les gens contre Al-Hussein. Qais accepte, monte au balcon désigné et commence son discours. Que tout le monde sache qu'Al-Hussein est le meilleur. Soutenez-le donc et sachez qu'Ibn Ziyad est un imposteur. Maudissez-le donc. Furieux, Ibn Ziyad le fit basculer du haut du palais, assiège la ville, interdisant à ses habitants d'en sortir, et décide d'intercepter Al-Hussein avant son arrivée à Koufa. Il envoie donc Al-Hur ibn Yazid à la tête de 300 chevaliers pour lui barrer la route. Également pour lui interdire tout accès à l'eau et guider ses pas vers un endroit propice au combat. Al-Hussein leur demandait de le laisser accéder à l'eau, ne serait-ce que par pitié pour les femmes et les enfants qui les accompagnaient. Mais rien ne fut, ni en vain. On lui laisse le choix ou de revenir sur ses pas, mais déterminé, il refuse. Oh mes frères, oh mes sœurs, oh vous qui m'écoutez, êtes-vous aussi prêts à défendre la justice et la vérité? Et à quel prix? Al-Hussein poursuivit donc son chemin et Al-Hur de le serrer de près. À l'heure de la salat, ce dernier incite ses soldats à rejoindre Al-Hussein et sa famille qui priait. Mais nous sommes là pour l'opprimer, s'exclame-t-il. Mais c'est le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'explique-t-il. Pendant ce temps, Ibn Ziyad poussait les gens à Koufa à se joindre à l'armée destinée à combattre Al-Hussein. Mais devant le refus général des gens, il dut décapiter l'un des déserteurs. Le désarroi oblige le reste donc des soldats à s'exécuter. Le commandement fut confié à Omar ibn Sa'd, le fils de Sa'd ibn Abi Waqqas, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui au début refuse, mais finalement accepte sous la menace et les belles promesses. Subhanallah, est-ce que vous imaginez la manigance, le complot? Fragmenté pourquoi? Pour tuer le petit-fils de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce par les fils d'autres grands compagnons. Al-Hussein arrive à présent à une plaine déserte qu'on lui désigne pour le nom de Karbala. Il reprend alors Karb qui signifie affliction et Bala, épreuve. Puis il récite le verset où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. L'armée conduite par Omar ibn Saad arrive à la rencontre du groupe qui est mené par Hussein le 9 Muharram 61 de l'Hijra. Omar, désirant au fond de son cœur trouver une issue non meurtrière au conflit, lui demande alors la raison de sa venue. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Je ne suis point là pour m'emparer du califat, ni pour livrer combat, mais pour défendre la justice. Omar envoya à Ibn Yazid lui demander s'il pouvait négocier avec lui, pour pas verser le sang. Mais ce dernier fut intransigeant. Qu'il prête allégeance à Yazid, ou bien tu lui coupes la tête. Subhanallah. À la deuxième tentative de réconciliation menée par Omar, Ibn Yazid répond : je ne t'avais pas envoyé pour négocier, mais pour te battre. Tu exécutes mon ordre, ou bien tu seras remplacé. Alors Omar se résigne, de peur de perdre le commandement. Al-Hussein demande alors qu'on lui accorde un délai jusqu'au lendemain. Il se réunit avec sa famille et leur demande alors de se faufiler pendant la nuit, après avoir perdu tout espoir d'accéder à Koufa, et vu qu'ils ne font pas partie du conflit. Et que dirait-on aux gens en rentrant ? Qu'on a laissé Al-Hussein se faire tuer pour amour pour la justice, et que nous sommes enfuis par amour pour la vie d'ici-bas ? Lui lance son frère Al-Abbas ibn Ali. Par Allah, nous mourrons avec toi. Le fils de Ja'far, ibn Abi Talib, de Hamza et d'Al-Hassan le répétèrent en cœur, nous mourrons avec toi. Son fils Ali lui demanda alors, père, n'est-ce pas que nous avons raison? Que nous mourrons un jour ou l'autre, même s'il reste vivant demain, même si on reste vivant demain? Que nos adversaires trouveront de même la mort un jour, même s'ils sont vainqueurs demain? Restons donc sur nos positions. Oh, vous qui m'écoutez, je vous adjure de réhabiliter les droits usurpés aujourd'hui, et non pas demain, ou de tarder à secourir quelqu'un ayant subi une quelconque injustice contre son oppresseur, afin que vous soyez sur les pas du prophète Mohammed alayhi salatu wasalam et d'Al-Hussein. C'est enfin le 10 Muharram, après la prière du Fajr. La bataille est sur le point de commencer, et voilà qu'Al-Hur appelle désespérément Omar ibn Yazid. Veux-tu combattre le petit-fils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Subhanallah, je lui couperai la tête s'il le faut et les mains, lui rétorqua Omar. Alors tue-moi avant de le faire. Sur ce, Al-Hur rejoint Al-Hussein, qui lui demande la raison de ce changement. En priant, je me suis surpris en train de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Je me suis donc demandé comment est-ce que je pourrais vous bénir, la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps la combattre. Est-ce que je pourrais me repentir? Subhanallah, attends-toi au meilleur des repentirs. Tu as bien Al-Hur ici-bas et Al-Hur dans l'au-delà, le rassura Al-Hussein. Al-Hur trouva donc la mort peu de temps après en faisant ses adieux à Al-Hussein et en lui donnant rendez-vous auprès du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hussein confie le drapeau à Al-Abbas ibn Ali, son frère. Mais Al-Ansar, les Ansar, insistent pour avancer aux premières lignes pour se faire tuer avant la famille du prophète alayhi salatu wasalam. La bataille est à présent à son paroxysme. Les Ansar n'arrêtent pas de tomber en martyr. Puis vient le tour de Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille. Subhanallah. Imaginez-vous qu'une bataille aussi inégale s'est prolongée jusqu'à midi. Comment 72 personnes ont-elles pu tenir contre 4000 combattants aussi longtemps? C'est que les 72 savaient avoir raison, alors que les 4000 n'étaient pas convaincus de la justice de leur cause. Ibn Ziyad et Omar commençaient alors à inciter les soldats à tuer Al-Hussein pour mettre un terme rapidement à cette bataille. Voulez-vous tuer le fils de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Voulez-vous tuer son petit-fils? Je crains le pire pour vous. Je crains le châtiment d'Allah pour vous, leur lance Ali, le fils de Hussein. Et les combattants n'osaient approcher Hussein, ne voulant pas être responsables de sa mort. Un homme et sa femme arrivent de Koufa pour se joindre à Hussein. Le premier est vite tué. Sa femme le serre alors et lui dit « Je ne te laisse pas, je ne te laisse pas aller au paradis seul. » Et quelques instants après, elle le rejoint. Ali, fils de Hussein, tout en se battant, n'arrêtait pas de chanter « Je suis Ali, fils de Hussein, fils de Ali. » Ibni Ali ibn Hussein ibn Ali. Nous sommes par le par Allah. Nous sommes par le par Allah. Les gens de la maison, Ahlul Bayt, prioritaire par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant qu'il était en train de réciter ça, voilà qu'une lance le transperce. Son père accourt pour le prendre dans ses bras et le transporte sous la tente. Le dévisage pour quelques instants, puis revient sur le champ de bataille. Non, je n'abandonnerai pas. Son neveu El Qasim, jeune homme de 19 ans, l'appelle. Au secours, mon oncle! El Hussein vole donc à son secours. Mais malheureusement, le jeune homme était déjà mort lorsqu'il arrive. Les larmes d'El Hussein commencent à lui couler des yeux pour la première fois. Et il murmure: le cœur de ton oncle est bien meurtri pour n'avoir pas pu te secourir quand tu l'as appelé. Zainab, la sœur d'El Hussein, sort de sa tente dans une dernière tentative de sauver son frère et s'adresse à Omar. Ô fils de Sa'd ibn Abi Waqas, fils de l'homme qui était prêt à se sacrifier pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, veux-tu toi tuer son petit-fils? Omar ne put retenir ses larmes, mais il a fui rapidement afin de ne plus entendre ses paroles. Le cercle des lances et épées commencèrent donc à se rétrécir autour d'El Hussein, qui lance alors: voulez-vous me tuer parce que je défends la justice? Ô Allah, venge-moi de ces gens alors qu'ils s'y attendaient le moins. Sur ce, il reçut un coup d'épée en plein ventre et un certain Shimr ibn Zil Jaushan le décapita. Omar alors se mit à hurler: malheur à moi, malheur à moi! Subhanallah. Al-An, maintenant, malheur à toi. Faites bien attention à choisir l'ici-bas, aux dépens de l'au-delà, pour ne pas ressembler à Omar. Choisissez bien votre camp. Ne défendez pas le faux et l'injustice contre l'islam et les musulmans, puis pour regretter par la suite. Zainab court leur arracher la tête d'entre les mains. Il y a une polémique ici quant à l'emplacement où est-ce que cette tête a été enterrée. Certains, les Irakiens, les Égyptiens, les Syriens, tous prétendent avoir la tête de Hussein enterrée dans leur pays respectif, tellement est grande la valeur symbolique de cette tête-là. Les éclairs et les tonnerres ne tardent pas à déchirer le silence qui venait d'envelopper le champ de bataille, comme si le ciel célébrait la montée des âmes des martyrs. Leçon à tirer: nous sommes tous mortels. Seule la vérité survivra. Il fallait donc qu'il y ait un jour propre à secouer le monde. Un jour qui ressemble à l'Aïd al-Adha, le grand Bayram. Yani pour être la fête de la justice et de la vérité. Mais voici aujourd'hui, nous voici aujourd'hui, plus de 1400 ans plus tard, en train de compter et de raconter le martyr d'El Hussein, afin que, ému, vous décidiez sans retard de réhabiliter les droits usurpés. El Hussein mourut donc assassiné, mais tous ses assassins ne tardèrent pas à se faire tuer. Quant à Yazid ibn Muawiyah, pour qui son père est resté 10 ans durant à préparer le champ pour lui succéder, il mourut subitement 4 ans après sa nomination et son intronisation au pouvoir. Quelle ironie du sort! Son fils, Muawiyah ibn Yazid ibn Muawiyah, reconnaissant que la raison était du côté d'El Hussein, refuse le califat. ونكتفي على هذا القدر وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.